cet ultime espoir. À l'heure où j'écris, je pars avec constat. Face à cette feuille blanche, ma plume fait le premier pas. Rangeront mes idées, construiront mon identité. Au travers de ma plume, on pourra voir cet ultime espoir. Cet espoir d'atteindre des rêves inachevés. Abandonné salement sur une table de chevet. Cet espoir d'atteindre des objectifs jamais atteints. Cet espoir d'allumer ces flammes toujours éteintes. Aujourd'hui, on laisse notre vie se consumer en assumant cette galère. On veut franchir les barrières, mais on marche en arrière. Car chaque problème ne vient jamais solitaire. Qu'il mène douleur et difficulté, toujours solidaire. Et quand il débarque, on préfère subir le mauvais tournant. Rester dans cette barque, suivre le courant. On préfère lâcher une carrière au profit d'une misère. Se dire qu'on a un pied dans la tombe et l'autre pour pousser derrière. Face à ton problème, on devient inactif. On préfère se plaindre, croyant être plus réceptif. Et là, on s'engouffre dans la déception. Venant corser cette addition difficile à régler. Ultime espoir, voilà se battre, c'est agir. Ultime espoir, soupir sans rien dire, c'est se laisser mourir. Ultime espoir, les yeux se battre, c'est agir. Mais ultime espoir, soupir sans rien dire, c'est se laisser mourir. N'attends pas de miracle, saute tes obstacles pour atteindre tes objectifs. Deviens actif, aiguise-toi comme un canif. Dis-toi que chaque avancée se fait dans la douleur. On n'a jamais rien sans rien. Chaque jour est un combat perpétuel contre soi-même. Il faut toujours montrer notre potentiel, ne jamais laisser s'amoindrir la gamelle. Se battre, c'est agir, survivre sans rien dire, se laisser mourir. Sache que il y a toujours une porte de secours, mais le parcours sera toujours aussi difficile. Sache que y a que toi pour rester dans la file. Sache que seule ta persévérance te donnera ta chance. La vie n'est pas livrée avec un mode d'emploi. C'est à toi seul de faire tes choix. C'est à toi seul de choisir ta voie. C'est à toi seul de construire ton avenir. De suivre tes envies afin d'avoir un devenir. Cherche la lumière qui fera de toi un être à part entière. Cherche ta voie qui te mènera vers la garde de tes envies. Vis ce que tu as à vivre. Enivre-toi vers cet ultime espoir. Fais abstraction de tous tes déboires. Alors continue ce combat qui est le tien. Car il y a toujours un ultime espoir au bout du chemin. Ne laisse pas le destin entre de mauvaises mains. Car se battre c'est agir, super. Sans rien dire, c'est se laisser mourir. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Ultime espoir, voilà se battre, c'est agir. Ultime espoir, soupir sans rien dire, c'est se laisser mourir. Ultime espoir, les yeux se battre, c'est agir. Mais ultime espoir, soupir sans rien dire, c'est se laisser mourir. Ultime.